KTC, Balezi Josa. Comment pouvoir m'impressionner aux âges moko. Maître Pachito, Alain Bola, Irène Mokabila, Boutique Gianni Express, na Genève, à ville Jacques. Bolingola Pisso, Topanaka Pisso Mipale, Lelo Motoya Misa Toya Koko Mela Pisso Mipala, Grafe Kisakio. Hermène Kaba, haut de colonne à Bounès. Moi si à t'aimer, à Zalaka toujours mauvaise. Moi si à t'aimer, à Zalaka solo ma vie. Et mes soquets nous disent, pas que l'icambo est sali. N'a mon thème à naïe, pas pour le tout, pas le bas. Tala les loyaux, pas comme à Kola qui s'abissent, mais sa finance est là. Radio FM Freddy Moulongo. Kin Service Express, bilo me koma ki jamari mulato. Blanche Matoko, Zelo Dake, Gabi Kiaku. Na koma ki kompraksione na anetaje. Na koma ki koma tematize na mikolo nyoso. So kinalamu kinantongo. Mama e. Pouglas, président Bobo, Baloukaka, Soya Kitoko, na fulu Teddy, Mawana Bango, Dina Africano. Jeff Oli, Komana Cheval. Tana na taka motema, toko pese indikasyon, na ina yo. Bako ma mitele malo, bako ma bafase. Yeah, benichoso. Dalf, kom, passage obligé, Toto Das, Mapuya. Tana na taka motema, toko pese indikasyon. Ya Pascal Kakesa. Ya Salaya Mimi Matabia. Epa ima ya la mataka suka ya nebe na kabanaka. Kwa matabia. Papa na ole Filipe na Gilio. Papito lasso, mire petit. Bolivo ya nana ya kate se balesa josa. Lela tolina na mabe. Lopito boya na mabe. Amanda magalile. Yeah. Prince Diasin Sona Samito Mukubwa Motomape Azaneti Nikala Soki Azikisi Yote Akoyini Sayo Lobo Lobama Tout Puissant Système Arthur Lemina Olivier Lankoso Mustafa Tulanda Victor Ilo Riva RT Communication Pharmacie Bantimba na Kishi Soubois. Yeah.